से पर्ली पॉपेट हाउल हॉली हा ला बम्बोचे से पर्ली पॉपेट सा पर्ली पॉपेट से ला बम्बोश टाइम Je vais gargoter et je vais avaliser toi qui es proche et même qui est à l'albée de sa nécropole. C'est pour les pompettes. Haul holi ha. La bamboche. Saperlipopette, c'est la bamboche time. Je vais gargoter et je vais avaliser toi qui es proche et même qui est à l'albée de sa nécropole. T'étais un paragon, sans tes avisements, je serais une larve. Perdu dans la cile comme souloir. C'est pas les pompettes. C'est pas les pompettes. Haul holi ha. La bamboche. C'est pas les pompettes. C'est pour les pompettes. Haul holi ha. La bamboche. C'est pour les pompettes. Maintenant, je vais fanfaronner avec mon accord pour toute escorte, pour m'accompagner jusqu'à Potrominée quand nous nous promenions dans les limbes matinales, comme ta chevelure faisant des boucles de scène, m'invitant à m'abscondre. C'est pour les pompettes. C'est pour les pompettes. Haul holi ha, la bamboche, c'est pas les pompettes.